Dans la précédente vidéo de la chaîne, c'était Thomas Crespo qui vous avait présenté sa conception du féminisme constructiviste, appliquée plus particulièrement à la biologie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette interview de lui que nous avons filmée juste après avoir tourné le matériel nécessaire pour le montage de la première vidéo. J'ai beaucoup apprécié parler avec lui de ses travaux et j'espère que ce long format vous permettra de poursuivre vos réflexions sur féminisme et biologie, puisque je vous en avais déjà parlé ici à plusieurs reprises. Vous allez voir qu'il est question ici de Priscille Touraille, mais également de Thierry Hoquet, du constructivisme et du naturalisme, bien évidemment, mais également du matérialisme. Pour ce dernier point, le matérialisme, ça fait un petit bout de temps que je n'ai plus abordé la question, mais je fais de mon mieux pour y revenir dès que possible. Bon visionnage, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour liker et vous abonner à la chaîne, et on se retrouve en commentaire si vous avez des questions. Donc bonjour Thomas Crespo, et merci d'avoir bien voulu répondre à cette interview qu'on va faire aujourd'hui. Merci également d'avoir réalisé la vidéo que j'ai postée il y a peu de temps sur la chaîne. Alors, tu es doctorant à l'ENS en philosophie et a priori, tu travailles sur le genre et on t'a entendu un peu parler de genre et de biologie sur les réseaux sociaux. Alors, je vais rappeler l'intitulé de ta thèse, tirer parti de la reconceptualisation de la nature par les études de genre, un nouveau sujet politique est-il possible ? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette question qui guide tes recherches? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que l'énoncé a changé? Comment ça se passe? De quoi parle ta thèse alors? Ouais. Alors, le titre, c'était le titre que j'avais dû donner, parce qu'au début de la thèse, on doit s'inscrire sur divers sites et organismes, bref. Et donc, ce titre, c'était le titre de départ. En réalité, c'est plus exactement l'objet de ma thèse. Puisque l'objet de ma thèse, c'est plutôt de me... Enfin, ça n'a pas aucun rapport, mais l'objet de ma thèse, c'est plutôt de me demander qu'est-ce que ça veut dire une biologie féministe et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elles viennent faire dans la biologie. Et en particulier, je pense, ce qu'elles viennent faire, c'est qu'elles importent des innovations conceptuelles qui vont permettre... Alors, deux choses. Qui vont permettre, d'une part, d'envisager d'autres méthodes pour prendre en compte des phénomènes qu'on ne prenait pas en compte avant, et d'autre part, qui vont permettre de faire des suggestions sur l'organisation de la science, en tout cas de la biologie, en tout cas, parce qu'en fait on parle de la biologie en général, mais la biologie, elle se décline selon tout un tas de domaines et de sous-domaines qui sont très éclatés et dont certains ne connaissent rien des autres domaines. C'est tout à fait normal, hein, c'est pas une critique. Et donc, ma thèse, elle se place au niveau conceptuel, puisque je fais de la philo, et elle se demande voilà, quels sont les déplacements conceptuels que ces féministes opèrent au sein de tous les domaines auxquels elles participent. Peut-être j'en donne quelques-uns. Ça peut être aussi bien la neuroendocrinologie sociale, ça peut être aussi bien la biologie moléculaire, ça peut être aussi bien la primatologie, ça peut être aussi bien, bon, etc., etc. Ce que tu viens de décrire par rapport à ta thèse, par rapport à la biologie, etc., on dirait que ça n'a plus vraiment de rapport avec le sujet que tu avais choisi au départ, qui était plutôt axé sur la question du sujet politique. Est-ce que vraiment il n'y a plus aucun rapport ou est-ce qu'il y a encore des choses à tirer en termes de sujet politique? Bah, déjà, je pense qu'il y a deux modifications majeures par rapport à mon premier sujet, donc tirer parti de la reconceptualisation de la nature, etc. Premièrement, je ne parle plus de la nature en général. Je me suis focalisé sur la biologie, donc la science, enfin en tout cas une science, un groupe de sciences, d'accord ? Donc c'est plus la nature en général, et mes questions sont plus spécifiques que la nature. Mmh. Par exemple, ça va être le rapport à une hormone, le rapport, bon, etc. Mmh. Même si, en définitive, je vais tirer des conclusions, vous l'avez peut-être remarqué si vous l'avez vu, enfin, toi si tu l'as vu évidemment, puisque tu l'as fait, la première vidéo, bon, il n'y a pas aucun rapport avec la nature, mais en tout cas, mes objets, ma focale est plus spécifique. Et je m'intéresse à la science, donc je suis vraiment dans une thèse d'épistémologie. Et deuxièmement, sur le sujet politique, c'est pas une thèse de philosophie politique à proprement parler, même si ma thèse a des implications politiques, Et même si ce que je dis, même si la façon dont je conçois la science a des implications politiques, c'est pas une thèse de philosophie politique à proprement parler. Et ça, bon, bah, c'est dû au mouvement normal de restriction du sujet au fur et à mesure de la thèse, puisqu'on voit de mieux en mieux la question précise qu'on veut cibler. Et puis deuxièmement, il y a une question de positionnement politique. C'est pas à moi de dire ce que doit être le sujet politique féministe. Ma thèse peut évidemment contribuer à la réflexion, peut éventuellement servir à des féministes, etc. etc. Mais ce serait étrange que je fasse de la philosophie politique sur ce point. Donc tu as eu une réflexion sur ce sujet-là après avoir commencé ta thèse ? Ouais, j'ai eu une réflexion après avoir commencé la thèse, et puis... Disons qu'en fait, au fur et à mesure, on se pose des questions sur nos objets de recherche, comme nos objets de recherche sont aussi des objets éminemment politiques, parce que, bah, par exemple, parler de biologie féministe, on y reviendra peut-être, c'est pas du tout anodin, et donc évidemment, on est amené à modifier des points de vue qu'on avait, qui nous paraissaient évidents et qui ne le sont plus du tout, ou au contraire, à consolider des points plutôt que d'autres. Alors maintenant qu'on est un peu mieux orienté sur ce que tu dis dans ta thèse, est-ce que tu peux nous décrire un peu le corpus que tes recherches t'amènent à étudier ? Alors, c'est pas une question facile, parce que mon sujet me fait toucher à pas mal de... un corpus assez vaste. Alors, moi je fais de la philosophie de la biologie, et je fais de la philosophie de la biologie féministe. Donc, mon corpus principal, ce sont les autrices féministes. Alors, je dis les autrices parce qu'il y a quelques auteurs, mais la plupart la majorité du corpus que je traite est écrit par des femmes, en général. Des femmes ou des personnes non-binaires, éventuellement, mais grosso modo des femmes, quand même. Donc, mon corpus, c'est d'abord cette philosophie féministe et cette biologie féministe. Il se subdivise en plusieurs domaines. Alors d'abord, il y a le féminisme matérialiste. Féminisme matérialiste, ça consiste à dire quoi ? Ça consiste à dire que ce n'est pas les idées qui sont premières, c'est la matière. Alors qu'est-ce que c'est que la matière ? Ça veut dire la réalité sociale qui est première pour comprendre les phénomènes sociaux. C'est-à-dire que c'est l'organisation sociale qui compte pour comprendre comment les individus se meuvent et agissent. Et c'est pas comment les individus se représentent qui compte. Ou plutôt, c'est pas les idées qu'ils ont, les idées abstraites qu'ils ont, qui font qu'ils se meuvent. Donc c'est d'abord leur condition d'existence qui fait sens et qui est explicatif. Bon, ça c'est la première partie, féminisme matérialiste. Mais c'est un peu vague, condition d'existence. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment des conditions d'existence particulières produisent des effets particuliers, et en particulier, oui, spécialement, dans la science. Et donc, la deuxième partie de mon corpus, si on veut, c'est les science and technique, ou technology studies. C'est-à-dire, c'est l'étude de la science en train de se faire. Souvent, on fait la différence entre épistémologie d'un côté, normative d'un côté, donc, et de l'autre, sociologie de la science ou étude de la science en train de se faire. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'étude de la science en train de se faire, et en particulier en féminisme. Parce que quand on regarde les modalités concrètes et précises et fines dans lesquelles, par lesquelles s'exerce, se produit la science, eh bien, on se rend compte que le genre, c'est pas du tout une idée générale, c'est pas une idéologie surplombante qui ensuite donne ses effets indistinctement dans toute la société. Le genre, en fait, c'est un certain nombre de principes qu'on peut décrire généralement, donc la bicatégorisation de l'humanité en deux parties hiérarchisées. Voilà. Ça, c'est général. Mais en fait, ça n'a aucune efficacité. Il faut se demander comment cette maxime générale se décline à travers tous les mondes sociaux, et en particulier par la science. Et donc, les STS, les Science and Technology Studies, eh bien, nous donnent des informations là-dessus. Ils nous montrent comment, précisément, dans chaque sous-domaine, la matérialité des conditions d'existence font d'une idéologie générale, enfin qu'on peut décrire généralement, font des maximes particulières dans chacune des sciences, chacun des sous-domaines, chacun des énoncés des sciences contemporaines. Alors ça fait deux. Ensuite, troisièmement, alors là c'est très difficile de donner un nom qui soit pas polémique, mais moi je suis intéressé, alors par, là je vais dire un peu des gros mots, mais disons, j'appellerais ça par le féminisme post-structuraliste. Alors, j'ai dit que c'était la réalité matérielle qui comptait, mais dans la réalité matérielle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bah, y a le langage. Parce que nous exprimons la réalité matérielle à travers le langage, et ce langage, il a une efficacité. Si j'insulte quelqu'un, il réagit. C'est ça que ça veut dire. Mais pas que. Je peux, par mes paroles, mettre mal à l'aise des gens. Et puis, je dis le langage, mais le langage, en fait, il passe aussi par... Enfin, il passe par le verbal, mais il passe aussi par le non-verbal. Bref. Ce qui m'intéresse, c'est donc ce qu'on appelle le féminisme post-structuraliste. Enfin, c'est le troisième, la troisième branche, ou la troisième partie de mon corpus. Et donc, c'est une étude de ce que produit le langage, de ce qui passe et de ce qui ne passe pas par le langage, et qui vient modifier la réalité sociale dont je parlais tout à l'heure. Et la réalité sociale, en fait, je veux dire l'organisation de la science, la manière dont on se la représente, ce à quoi on pense lorsqu'on écrit un article et ce à quoi on ne pense pas, et ainsi de suite. Je donne un exemple très simple. C'est un article célèbre que j'avais déjà cité dans la vidéo précédente. Quand on décrit les spermatozoïdes comme étant des petits chevaliers en compétition les uns avec les autres et actifs, eh bien, et que évidemment l'ovule en face c'est la grosse forteresse passive et un peu abétie par justement sa taille et tout, eh bien en fait on produit des effets dans la manière dont on va se représenter l'objet qu'on est en train d'observer, par exemple au microscope. Mais ça veut dire que d'une part on va se rendre attentif à certaines choses, mais d'autre part on va oublier d'autres choses. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la science, c'est trier les faits. Il y a trop de faits, il y a trop de faits à prendre en compte, il y a trop de choses à prendre en compte, donc on est obligé d'avoir des principes directeurs qui guident les faits. Eh bien, le genre, c'est un de ces principes directeurs. Et en particulier, ici, pour l'étude de la fécondation, eh bien, il y a tout un tas de phénomènes, notamment de coopération entre les spermatozoïdes qu'on ne voyait pas forcément à cause de cette représentation comme des compétiteurs, et on voit bien d'où ça vient cette représentation. C'est qu'en fait, les spermatozoïdes, c'est des petits garçons, ou des hommes, et puis l'ovule, bah, c'est censé être une femme à l'anguille qui attend son proche chevalier. Donc il y a vraiment cette représentation-là. Et de l'autre côté, bah, évidemment, on ne voyait pas les phénomènes d'activité, alors du coup, il faut prendre les mots avec des pincettes, d'activité de l'ovule dans la fécondation. Voilà. Donc, importance au langage, dans la mesure où le langage fait partie intégrante de de la matérialité de notre monde social. Et puis j'ai dit, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, eh bien, du coup, un corpus qui m'intéresse, c'est l'épistémologie de l'ignorance, et plus généralement les épistémologies féministes, puisque les épistémologies féministes, mettent l'accent sur comment le genre est une force de production de la science. La science est produite par certaines conditions de production, et évidemment, parmi ces conditions de production, il y a le genre. Et il y a plusieurs manières de prendre ça en compte, et il y a plusieurs manières de noter les effets que le genre, en tant que structure générale de la société, peut avoir des effets sur la science. Est-ce que tu peux nous préciser du coup ce que c'est que l'épistémologie de l'ignorance ? Oui, clairement. Alors l'épistémologie de l'ignorance, ou agnotologie, si on veut être un peu pédant. Alors il y a plusieurs auteurs et autrices qui sont connus. Souvent, l'épistémologie de l'ignorance, ça s'intéresse à des sujets, par exemple sur le tabac ou des choses comme ça, comment des grandes entreprises industrielles ont entretenu le doute et l'ignorance au sein du public pour que les législations contraignantes sur le tabac soient retardées, ou que la prise de conscience par le public soit retardée. Prise de conscience, donc en fait, l'ignorance a été entretenue et entretenue par des groupes industriels. Bon. Mais ça veut dire qu'on ne voit plus l'ignorance seulement comme une absence de connaissance, mais comme une force productrice. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la production de la connaissance, mais parallèlement, symétriquement, il y a la production de l'ignorance. Il y a des choses qu'on sait, et parallèlement, il y a des choses qu'on ne sait pas. Eh bien, dans le genre, il y a par exemple un article de Nancy Twana qui s'appelle « Coming to Understand », qui montre comment, précisément, il y a un enjeu autour de l'ignorance des dominés, parce que eh bien, ça donne du pouvoir en fait sur ces dominés. Et donc, il y a un enjeu à entretenir cette ignorance. Alors après, l'article est long, et il définit plusieurs types d'ignorance, il montre comment ça se passe, mais je trouve que c'est intéressant de se poser ce genre de questions, parce que ça permet tout de suite de se demander, mais à qui profite la science? Pourquoi elle est faite, cette science-là? Pourquoi on pose cette question et pas une autre? Parce que pour les gens qui seraient un peu, réticents à l'idée que la science est politique, bah d'accord, mais dites-vous au moins une chose. On ne peut pas tout traiter. Et donc, il y a des questions qui sont sélectionnées. Et comment elles sont sélectionnées, ces questions? Pourquoi on travaille sur ça et pas sur autre chose? Pourquoi on a du Viagra, mais qu'on a fait la première échographie complète du clitoris date de 2007, par exemple? Pourquoi le traitement de l'endométriose est relativement, voire pas relativement, très inefficace encore aujourd'hui? Bon, alors que c'est une maladie qui est connue depuis des décennies. Bon, etc., etc. Alors maintenant, on va remonter un petit peu en amont par rapport à ta thèse. J'aimerais que tu me décrives un peu ton parcours intellectuel. Qu'est-ce qui t'a amené précisément à vouloir te poser cette question et à te dire que c'est important de la traiter et d'y répondre de la manière à laquelle tu y réponds? Alors en fait, bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, je m'adresse aux téléspectateurs, non moi. En 2013, il y a eu le vote sur le mariage pour tous. Et opposant à ce mariage pour tous, il y avait la manif pour tous. Bon. Et en 2014, à Lyon, ils se sont demandé, enfin, ils et elles se sont demandé, tiens, mais on a beaucoup critiqué l'idéologie du genre, la théorie du genre, d'accord, une espèce de syntagme qui vient du Vatican et qui a été un peu étudié, qui a été bien étudié même. Et ils se sont dit, bon, on va monter un groupe de réflexion pour savoir c'est quoi le genre et qu'est-ce que disent nos ennemis politiques. Et bon, j'avais une amie qui participait en tant que, sparring partner de ces personnes catholiques et qui est un peu offrait qui faisait l'avocat du diable auprès de ses amis catholiques. Et puis bon bah elle se sentait pas de tout faire. Et donc on avait déjà discuté de genre et moi j'avais lu un peu Judith Butler. Bon. Et du coup, elle m'avait dit, oh, bah, t'as qu'à venir, on sera deux, est-ce que ça te dirait pas, en plus comme ça, tu peux faire une présentation sur Judith Butler. Bon, donc j'y suis arrivé par ce biais, donc j'ai fait une présentation sur Judith Butler, bon, très bien. Et le challenge, évidemment, c'était de rendre Judith Butler compréhensible à des gens qui, de base, n'étaient pas du tout dans cette idée-là. Bon. Et en fait, peu importe la réception, mais en tout cas, il y a une question qui m'a été adressée systématiquement, c'est « Ah oui, mais quand même, il y a la nature !» Bon, et là, c'était vraiment « Bah oui, mais quand même, il y a la nature !» Enfin, les hommes et les femmes, ça existe. Donc déjà, c'est, alors pour les critiques un peu rapides, c'est vraiment une question que j'ai déjà entendue. Je me suis déjà posé cette question, oui, d'accord, les femmes et les hommes, ça existe, mais qu'est-ce que ça veut dire que cette existence? Bon. Et du coup, cette question de la nature, et du coup, vous comprenez peut-être mieux, enfin, tu comprends peut-être mieux, et vous comprenez peut-être mieux, le titre de la thèse au départ, parce que vraiment, il y avait ce truc, cette résistance de la matérialité et de la nature, quoi, qui est, bon, bah oui, d'accord, bah, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais n'empêche, il y a des vagins, il y a des pénis, bon, etc. Donc, c'est ça, le premier cheminement intellectuel. Et puis après, donc du coup, comme je l'ai dit, j'ai changé un petit peu. Et après, moi, ce qui m'intéressait, c'était... parce qu'après, j'ai rencontré d'autres gens, et je me suis demandé, tiens, mais c'est marrant, parce que, effectivement, la biologie a l'air de dire... Donc, tout de suite, la nature, c'est devenu la biologie. Et la biologie, elle a l'air de dire qu'il y a du sexe, quand même. Il y a des hommes, il y a des femmes, etc. Donc... et puis, on me disait, la science, c'est politique. Et du coup, je voulais comprendre aussi, c'est quoi... Qu'est-ce que ça veut dire, la science est politique? Et du coup, j'ai restreint mon sujet à la biologie. Pour comprendre pourquoi les féministes pouvaient dire ce qu'elles disent, et qu'on a vu un petit peu dans la dernière vidéo, et pourquoi, en fait, c'est pas du tout un mal, d'abord, de pas toujours s'appuyer sur la biologie, et deuxièmement, éventuellement, de critiquer la biologie. Parce qu'en réalité, la biologie, c'est une science, et donc, comme toutes les sciences, elles sont critiquables, parce que leurs modes de production sont discutables et produisent des effets quoi, qui sont eux-mêmes discutables. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, je le précise aussi, ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter la science. C'est juste, en fait, la science est une entreprise critique et donc il faut la critiquer. Donc maintenant qu'on a posé tout ça préalablement pour un peu comprendre ton travail, ta manière de travailler, est-ce que tu voudrais bien, pour nous donner un accès peut-être encore plus, cette fois-ci visuel, est-ce que tu voudrais bien essayer de te positionner dans ton champ de recherche ou positionner même ton champ de recherche, s'il est trop petit, pour pouvoir te positionner dedans, de manière schématique, par exemple en donnant des noms d'autres chercheurs et chercheuses, etc. Est-ce que tu veux bien faire ça ? Ouais, carrément. Alors, comme j'ai dit, les études de genre ou les études féministes, elles ne sont pas extrêmement représentées à l'université, donc je vais déjà les situer au sein de l'université. Alors, on va représenter l'université ici. Je vais parler des études féministes. Les études féministes, les gens qui se disent féministes à l'université, en tout cas dans leur pratique de chercheur ou de chercheuse, elles font le lien, la jonction avec le militantisme. Donc elles sont à cheval entre le militantisme et l'université. Et donc elles importent des pratiques dans l'une et dans l'autre, il n'y a aucun problème. C'est pas exactement la même chose de dire études féministes et dire études de genre, puisque études de genre, ça veut juste dire qu'on prend en compte le genre comme un élément structurant de la société. Mais ça ne veut pas dire qu'on utilise son savoir pour des mobilisations, qu'on utilise son savoir pour des actions politiques. Donc, c'est un sens qui peut être voisin, parce qu'en général, quand vous faites des études de genre, vous êtes un peu féministe ou pro-féministe, mais c'est pas exactement la même acception et peut-être ça recouvre pas exactement les mêmes personnes. Bon. Alors, ces études féministes, comme je l'ai dit, elles existent un peu dans la sociologie. Alors, la taille des domaines n'est pas du tout représentative. Hein. Sociologie et histoire. Donc, c'est sans doute les disciplines où les études de genre sont le plus représentées. C'est le plus de sujets de thèse. Enfin, c'est dans la sociologie et l'histoire qu'il y a le plus de sujets de thèse en études de genre ou en études féministes. Bon. Et puis ensuite, là-dedans, y a un peu de philo. Et puis, y a de l'anthropologie là-dedans. Et puis, y a d'autres disciplines comme, par exemple, les sciences politiques, par exemple. Bon, et puis je me laisse un espace, si j'en ai oublié, j'ai dit qu'il y avait quand même quelques chercheuses féministes en biologie, bon. Donc je me laisse un espace d'oubli. Bien. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est cette zone-là. La philosophie et l'anthropologie. Donc maintenant je vais zoomer grâce à un système ingénieux qui s'appelle effacer puis refaire des traits. Alors, donc on a la philosophie, et puis je vais mettre à côté l'anthropologie, parce que sinon je vais vraiment avoir personne. Et cette philosophie et cette anthropologie, je vais même m'intéresser à la philosophie des sciences et même à la philosophie de la biologie. Donc ça fait des petits cercles de plus en plus petits. Et alors si je fais de la philosophie de la biologie féministe, bon, franchement en France il n'y a pas grand monde à part Thierry Houquet. Et ça tombe bien, il est déjà passé sur la chaîne. On croirait que c'est fait exprès. Donc, on a Thierry Houquet. Donc, il va falloir que je me positionne par rapport à Thierry Houquet. Bon. Et puis ensuite, en anthropologie, mais qui s'intéresse à la biologie, et bien, en fait, il n'y a pas tant de monde que ça en France. Alors, en fait, il y a des ouvrages de gens qui sont d'ailleurs très très bien, mais actuellement, qui travaillent vraiment à plein temps sur ce genre de sujet, et bien, pour le même niveau, c'est Précy Touareg. Alors après, il faudrait me situer dans un contexte francophone, et notamment suisse et belge, mais surtout suisse. Mais en fait, ils font pas vraiment ce que moi j'appelle philosophie féministe. Donc en réalité, Ça va pas nous mettre exactement dans le même champ, en tout cas au sens où moi je l'entends. Donc en fait, il y a deux personnes avec qui je vais devoir, enfin, par rapport à qui je vais devoir me situer. Et donc maintenant, on va pouvoir zoomer sur ces deux personnes. Alors vous voyez, ça fait un champ. On hésite quand même à appeler ça un champ. Je pense pas que ça fasse un champ en fait. C'est des gens avec qui je travaille et d'ailleurs avec lesquels j'ai beaucoup de points communs. Mais pour le jeu, on va quand même essayer de distinguer des positions différentes. Alors, par qui on commence? On va commencer par Prissy Touraille. Allez. Alors, Prissy Touraille. Alors moi, la manière dont je me distingue de Prissy Touraille, alors vraiment, ça a été un peu fondateur. J'ai fait tout à l'heure mon parcours intellectuel. Prissy Touraille, j'ai découvert Homme grand, femme petite, et ça a vraiment été révélateur. Et après, j'ai découvert d'autres articles, l'indistinction sexe et genre, par exemple, ou l'erreur constructiviste. Et ça a été vraiment des moments importants parce que j'ai mieux compris des problèmes ou j'ai mieux resitué des problèmes. Alors, pour comprendre mon désaccord avec Prissy Touraille, il faut voir où elle s'ancre. Et elle s'ancre dans le féminisme matérialiste français. Alors, pas que, hein, évidemment. Mais en tout cas, elle a des penchants pour les féministes matérialistes françaises. En particulier, des gens comme Paola Tabet, Nicole-Claude Mathieu, Colette Guillaumin, etc., etc. Et ça implique une certaine manière de se représenter le corps et... Ah ben, je disais aussi, il faudrait quand même la situer par rapport à Françoise Héritier, qui est sa directrice de thèse. Et ça implique qu'elle a un constructivisme qu'elle appelle modéré. Donc sa famille philosophique, si on veut le dire comme ça, constructivisme, modéré. C'est, si vous voulez, sa famille philosophique. Bon. Il me semble. Peut-être que je me trompe, peut-être que Prissy Touraille me contredira. Et, à mon avis, elle estime qu'on est allé trop loin dans le constructivisme, et donc qu'il y a un constructivisme radical qui finit par embrouiller les choses, et qui finit par nous rendre incapables de nous saisir de certaines questions. Donc, je pense que ce que Prissy Touraille aimerait faire, c'est revenir à un constructivisme modéré pour repartir sur des bases plus saines et se rendre capable de comprendre ce que fait le genre au corps, mais sans nier les apports de la biologie. Voilà. Et ben moi, je pense que ça, c'est une mauvaise manière de comprendre le constructivisme. Et là, je refais peut-être pas tout le chemin, mais je renvoie à la vidéo qu'on avait déjà faite. Je pense que c'est une mauvaise manière de comprendre le constructivisme, parce qu'à mon avis, au contraire, avec ce constructivisme radical, qui a des limites évidemment, eh bien, ce constructivisme radical, il a permis de mieux comprendre des choses que ne comprenait pas le constructivisme modéré. Alors, évidemment, il y a des choses que du coup on comprend moins bien, ou il y a des accents qu'on a mis qu'on aurait pu mettre ailleurs. Et il me semble qu'on peut faire fond sur ce constructivisme radical pour aller plus loin et comprendre les liens entre biologie et le reste. Biologie et, entre le biologique et le social. Voilà. Et donc, plutôt que élaguer dans tout ce qui est aller trop loin, moi je considère qu'en réalité on peut faire fond là-dessus et bah, évidemment on va poser d'autres questions, d'autres problèmes. Il y a certaines choses qu'on va abandonner parce que soit on les a déjà traitées, soit en fait c'est des impasses. Mais il me semble qu'on peut faire fond là-dessus. Voilà, ça c'est ma différence avec Prissy Touraille. Prissy Touraille veut prendre une autre direction en revenant un peu en arrière sur le constructivisme radical. Moi, je veux continuer dans cette direction, mais évidemment en inventant autre chose. Voilà. Alors maintenant, Thierry Hauquet, alors sur lequel, qui a déjà fait une vidéo par ici, je crois. Il sera en vert. J'espère que ça lui plaira. Alors, tirer au pied. Alors, là encore, je me distingue de lui, mais vous voyez, je me place sur le terrain du constructivisme et du naturalisme, parce qu'au fond, je pense que c'est ce qui nous oppose. Alors, je pense aussi parce qu'on n'a pas les mêmes corpus. Moi, je serais prêt, enfin, je serais proche, si on veut, d'Alfonso Sterling, parce que je trouve que sa manière de poser les questions est extrêmement fructueuse. Mais je pense qu'on n'a pas exactement les mêmes corpus, bon, déjà avec Precitora et puis avec Thierry Hoquet. Du coup, ça explique aussi nos changements, enfin nos approches différentes. Je force le trait pour qu'on ait des choses différentes à se dire, mais je pense qu'on est en fait assez proches, quoi. Alors, Thierry Hoquet. Moi, je suis pas d'accord sur la manière dont il oppose naturalisme et constructivisme. Donc, je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo que vous avez évidemment vue, mais il dit que d'un côté, il y a les naturalistes, qui disent qu'en gros, tout est du sexe et que, je crois qu'il fait ça comme schéma, et il y a un peu de genre, donc c'est-à-dire il y a globalement du sexe, et puis bon, il y a des trucs qu'on laisse à la culture. Et puis de l'autre côté, il y aurait les constructivistes, où pour eux, tout est du genre, tout est social, et puis il y a un peu de sexe. Bon. Moi, je suis pas trop d'accord avec cette manière de représenter les choses, parce que, à mon avis, le naturalisme et le constructivisme, on pose pas du tout des questions qui sont symétriques. Pour le constructivisme, c'est la question, c'est quels sont les effets des représentations sur la réalité. C'est-à-dire, comment... Alors, au départ, la réalité sociale est construite et produite par, par nos représentations. La question du constructivisme, c'est pas la peste, ça produit tel effet. La question, c'est comment la peste en vient à produire tel effet, sachant que, en fait, la peste, c'est déjà une manière de se représenter ce qui nous arrive. Et en réalité, on a des comportements très différents si on se représente la peste comme un châtiment de Dieu. Si on conceptualise pas ça comme une maladie, mais comme un châtiment divin. Et du coup, ça a des conséquences, évidemment, différentes dans la manière dont on va la traiter, la manière dont on va réagir, dans la manière, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que la peste ne va pas nous tuer quand même. Mais ce qui veut dire qu'on ne peut pas comprendre, à mon avis, ce que c'est que la peste, par exemple, au XIVe siècle, si on ne comprend pas ce que veut dire la peste pour les individus. Alors, évidemment, ça veut dire la mort, d'accord. Mais on ne peut pas comprendre la réaction des individus. Comment ils s'en emparent, comment ils réagissent ensuite, si on ne met pas en relation des effets biologiques qu'on peut caractériser, et la manière dont ces effets sont pris en charge, ces effets sont augmentés, amoindris, ou modifiés par les comportements sociaux, les réactions, et ainsi de suite. Parce que c'est ça qui est important, et c'est ça qui, in fine, va faire qu'on s'oppose au naturalisme, quand on est constructiviste, parfois, c'est que, évidemment, en fonction des attitudes que vous avez, vous allez modifier les effets que certains êtres naturels vont avoir sur vous. Par exemple, la peste, elle ne va pas avoir les mêmes effets sur vous si vous en êtes prémuni ou si vous n'en êtes pas prémuni. Si vous avez vous mettez des gens en quarantaine, si vous n'avez pas mis des gens en quarantaine, et ainsi de suite. D'accord ? Et donc, ce n'est que secondairement que le constructivisme a un effet sur les êtres naturels. Par exemple, je ne sais pas moi, les rats, les puces du rat, puis la peste. Bon. En revanche, le naturalisme, c'est une thèse qu'on appelle ontologique. Le naturalisme, ça veut d'abord dire, pardon, que tout est naturel. Oula. Donc c'est une thèse qu'on appelle ontologique. C'est une thèse sur la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire, tout est naturel ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses surnaturelles, ou ça veut dire qu'il y a... une seule substance, que le monde est entièrement naturel. Il n'est pas naturel d'un côté et social de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul type de loi qui s'applique au monde entier. Donc tout est naturel, ça veut dire qu'il n'y a pas un régime d'exception. Il n'y a pas l'âme et le corps d'un côté, enfin, il n'y a pas l'âme d'un côté et le corps de l'autre, il n'y a pas l'immatériel et le matériel de l'autre. Tout est matériel, ou en tout cas, tout est naturel. Alors ça implique que c'est une thèse ontologique, et ça a des conséquences épistémologiques. Alors que vous voyez, c'est l'inverse pour le constructivisme. Le constructivisme, c'est d'abord une thèse épistémologique, c'est comment on doit s'intéresser aux faits sociaux, bah, on doit s'intéresser aux faits sociaux dans la mesure où ils sont toujours pris dans un contexte social et ils sont toujours interprétés au prisme de médiation, de représentation et ainsi de suite. Et ça, ça a des conséquences sur les objets. Ça a des conséquences sur la réalité. Et c'est d'abord une thèse épistémologique et ensuite une thèse ontologique. Le naturalisme, c'est d'abord une thèse ontologique et ensuite c'est une thèse épistémologique. Si tout est naturel, eh bien il y a deux possibilités. Ou bien vous avez une option réductionniste qui dit puisque tout est naturel, eh bien tout est exprimable dans les lois de la nature. Donc là c'est simple, vous faites, vous mettez la physique ici, vous mettez la chimie au-dessus, vous mettez la biologie. Alors, comme j'ai plus de place, je vais mettre la socio direct. Hop, la sociologie. Donc tout ce qui se passe à un niveau social est réductible à un niveau biologique. Tout ce qui est biologique est réductible à un niveau chimique. Tout ce qui est chimique est réductible à un niveau physique. Bon, ça c'est la théorie. En général, le réductionnisme il est plus local parce qu'on ne sait pas toute la biologie. C'est une partie de la biologie. Bon. Et donc, quand on est réductionniste, on prétend qu'un niveau un niveau supérieur est réductible au niveau inférieur. Bon. Mais on peut aussi avoir des thèses non réductionnistes, qui veut dire que le social, c'est pas une création ex nihilo, au sens où tout ce qui est social a d'abord été produit par des lois naturelles. C'est parce que la biologie nous permet un certain nombre de libertés que on peut avoir ce qu'on appelle des phénomènes sociaux. D'accord. Mais on n'est pas obligé de dire que les phénomènes sociaux sont réductibles à la biologie. On peut considérer que certaines lois, certains domaines, par exemple le social, émergent de niveaux plus fondamentaux. C'est-à-dire qu'ils acquièrent une certaine autonomie et qu'ils donc ils ne sont pas réductibles au niveau plus fondamental, par exemple la biologie. Voilà. Bon, si on comprend ça, moi je suis naturaliste de ce point de vue-là. Je pense pas que le social, qu'il y ait une coupure, par exemple, entre l'humain et les animaux. Simplement, je considère que pour bien comprendre ce que ça veut dire qu'un phénomène naturel chez l'humain, qui a des effets chez l'humain, eh bien, il faut toujours se dire qu'un phénomène naturel, il n'est jamais brut, il est toujours interprété. Et il y a des effets complexes, et c'est là où la thèse est compliquée, et c'est là où je rejoins Thierry Hoquet, c'est quand même, c'est difficile d'articuler naturalisme et constructivisme. Il faut essayer à la fois de comprendre comment des objets qui préexistent, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs naturels, ont des effets sur le social. Donc par exemple, comment... avoir certaines caractéristiques ont des effets sur le social, mais il faut quand même comprendre que ces caractéristiques biologiques, elles sont toujours médiatisées par le social. Par exemple, avoir un handicap, par exemple avoir une grande taille, par exemple avoir de la force physique, par exemple avoir une grosse voix, etc. Ce sont des caractéristiques qui, en elles-mêmes, n'emportent pas de conséquences directes et mécaniques sur le social. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont pas. Ça ne veut pas dire que avoir une grande force, par exemple, ça n'a pas une conséquence. Ça n'a pas de conséquence sociale. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien d'évident aux conséquences que ces caractéristiques naturelles, ces objets naturels, ont sur la société. Ce qui veut dire que la nature, bien que tout soit naturel, eh bien, la signification de naturel doit toujours être informée et lue au prisme des représentations du moment. Et là, il y a deux manières de le concevoir. Ou bien, on veut juste dire que les objets naturels ont des effets sur la société, et ces effets, ils sont fonction de discours qu'on a sur eux. Ou bien même, il peut y avoir des effets de feedback, où certains contextes sociaux ont des effets sur les objets naturels et les modifient. En gros. Donc ça me permet de présenter un peu ma position rapidement, mais que j'avais déjà fait dans la première vidéo. Et puis, ça me permet de peut-être d'être un peu en décalage avec la présentation que Thierry Hauquet fait du naturalisme et du constructivisme. Je ne pense pas qu'ils s'opposent frontalement, parce qu'effectivement, ils ont des points d'achoppement ou de friction, mais c'est pas des, mais ils ne sont pas spontanément en friction, je pense. Je pense que ce qui fait l'intérêt de croiser les deux approches, c'est plutôt que le constructivisme comme le naturalisme a des, enfin, ont des limites, et je trouve que la confrontation des deux est féconde, plutôt qu'elle ne consiste en une opposition massive. En fait, il faut construire cette opposition pour qu'elle soit intéressante, et je pense pas qu'il y ait d'opposition directe en réalité. Voilà. Donc j'ai dit au début de cette interview, a priori, t'es un chercheur en philosophie. Je pense que t'as déjà reçu un nombre considérable de questions ou de petites remarques un petit peu pour t'aiguillonner. Qu'est-ce que ça cherche un chercheur en philosophie, oulala. Est-ce que tu veux bien éclairer ce mystère pour les gens qui sont assez peu coutumières de la recherche en sciences humaines et peut-être de la recherche en philosophie de manière plus précise? Donc, en quoi ça consiste la recherche en philosophie? À quoi ça ressemble l'organisation générale de ton temps? Ça peut être sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur l'ensemble de ta thèse. Et puis, comment est-ce que tu conçois la finalité de ton travail justement en philosophie? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des implications importantes pour lesquelles finalement tu t'engages? Ou est-ce qu'il y a un amour de la science derrière? La recherche en philosophie, ça consiste en quoi? Pour moi, la recherche en philosophie, c'est la recherche à un niveau conceptuel. C'est-à-dire, je me demande dans les discours ce qui fonctionne avec quoi et comment s'articulent les différents niveaux de discours et les différents arguments. Donc, si vous voulez, je fais une décomposition un peu analytique, si vous voulez, des argumentations, et je comprends et j'essaye de les resituer dans leur contexte, contexte général, et par exemple de la science, tel chercheur, il répond à qui, pourquoi il fait ce discours, pourquoi il a besoin de tel argument pour répondre à tel problème, et pourquoi il mobilise cet argument alors qu'il pourrait en mobiliser un autre. Et en fait, c'est ça tout le temps. C'est-à-dire qu'en général, vous avez plusieurs options à votre disposition, et il faut choisir. Et on choisit selon quels critères. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on voit que le genre sert de colle conceptuelle, il sert à coller des trucs ensemble qui sinon ne seraient pas collés évidemment. Et il sert un peu à mettre de l'huile dans les rouages. Et donc, j'essaye de montrer où est-ce qu'il y a de l'huile. Et où est-ce que l'huile fait passer des trucs pour évident, alors qu'en fait ils ne le sont pas du tout. Parce que si on décale un tout petit peu le regard, et c'est à ça que servent les chercheuses féministes, en fait c'est pas du tout évident. Ce que je disais par exemple tout à l'heure sur les spermatozoïdes et l'ovule, en fait non, c'est pas du tout évident de décrire les spermatozoïdes comme actifs ou l'ovule comme passif, parce que c'est des cellules, donc c'est pas actif ou passif, ça c'est nous qui mettons ces concepts, mais en fait ces impositions, elles ont des effets. Et évidemment, j'essaye de pas me restreindre au pur niveau des arguments, j'essaye de comprendre d'où ils viennent ces arguments et pourquoi ils viennent ici, voilà. Mais mon travail, c'est pas un travail de sociologue d'une part, au sens où je ne fais pas d'entretien, même s'il m'arrive de discuter avec des biologistes et ainsi de suite. Donc, je ne fais pas d'entretien de ce point de vue-là. Je ne suis pas sociologue des sciences. Et deuxièmement, je ne suis pas biologiste non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionnent les discours. Plutôt les discours des féministes elles-mêmes, mais comment fonctionnent les discours. Voilà. Ça, c'est mon travail de philosophe, je pense. Alors, comment je le fais dans l'année j'aime bien travailler par grand moment, enfin deadline si tu veux. C'est-à-dire que si j'ai pas un truc, par exemple là je dois rendre un bout de ma thèse fin mars. Si j'ai pas ce genre d'aiguillon, je papillonne. Et alors c'est pas forcément un mal, parce qu'en fait on travaille en permanence un peu. Ta thèse c'est vraiment prenant comme travail, donc en fait il nous accompagne un peu tout le temps et on élabore des trucs à bas bruit, puis à un moment on se dit « Ah oui, ça y est, j'ai un truc là, je vais essayer de le développer. » Donc voilà, donc mon année en fait est séquencée par des trucs comme ça, donc ça peut être la préparation d'une intervention à un colloque, ça peut être un article, ça peut être un cours, ça peut être une partie que j'ai dit que j'enverrai à mon directeur de thèse, etc. Donc voilà comment un peu s'est structurée ma thèse. Et ce qui fait que j'écris tout le temps, moi. Il y a des gens qui mettent beaucoup de temps à écrire ou qui sont pas très à l'aise à l'écriture. Moi, j'écris énormément. Tous mes cours, ils font une trentaine de pages. Donc en fait, c'est des choses ensuite que je réutilise. Alors évidemment, je les retravaille, mais en tout cas, ça me fait régulièrement des étapes papier, par ordinateur, mais que je peux retravailler et intégrer à ma thèse. Ok, parce que c'est important de dire que tu donnes des cours à l'UNS. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai donné des cours, et notamment sur mon sujet à l'UNS, ouais. Mm. Et du coup, ça veut dire qu'en tâche de fond, tu as un certain nombre de lectures que tu vas chercher de quelle manière, par exemple? Ouais, alors les lectures, il y a deux façons de les trouver. Ou bien je consulte l'énorme quantité de trucs que j'ai pas encore lus, évidemment. Et puis deuxièmement, il faut faire des recherches. Et faire des recherches, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder les bibliographies d'ouvrages ou d'articles qu'on consulte et se demander, bon, qu'est-ce que j'ai pas lu? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce que je peux jeter? Parce qu'évidemment, on peut pas tout lire. Et puis en plus, mon but, c'est pas ça non plus. Mon but, c'est pas de dire, ça y est, j'ai dit la vérité du féminisme en biologie. Mon but, c'est de dire, comment ça fonctionne, le féminisme en biologie, qu'est-ce que ça apporte de nouveau, d'intéressant. Donc il y a une phase, il y a une grosse phase de réappropriation de lecture antérieure, parce qu'évidemment, si je lis aujourd'hui quelque chose que j'ai lu en début de thèse, je ne le comprends pas du tout de la même manière, je ne l'interprète pas du tout de la même manière. Et même une chose que j'ai lue à un moment, un autre moment de mon argumentation peut servir autrement. Et après, il y a une phase prospective, c'est, est-ce que quand même j'ai lu les choses qu'il fallait lire? Et donc là, j'ai plusieurs moyens pour le faire. J'utilise Twitter parce qu'en fait, je trouve que c'est un bon moyen pour être au courant des nouvelles publications. Parce que je trouve que les flux RSS ou ce genre de choses, c'est pas très pratique. J'ai déjà 75 mails par jour, donc j'exagère à peine. Alors, du coup, si t'as encore des mails qui te donnent des flux RSS et tout, ça, je trouve que c'est pas gérable. Donc je suis en contact avec des gens ou je suis des gens qui donnent l'actualité éditoriale et dans cette actualité éditoriale, elle rayonne et donc je peux savoir qui a retweeté ou qui a reposté des trucs. Je peux savoir dans quel réseau c'est inséré, je peux savoir quels sont les... Je vais regarder la bibliographie par exemple, je vais regarder les articles que je connais pas ou que... dont je vais peut-être avoir entendu parler, et voilà. Et donc là, à l'heure actuelle, même si mon travail n'est pas fini, et il y a des choses que j'aimerais vérifier quand même, notamment vérifier que j'ai pas de gros angles morts dans la biologie féministe, même si forcément j'aurais des trous, hein, ça c'est pas le problème, mais en tout cas que je dise pas des choses qui soient contredites par un pan que j'aurais pas du tout vu. Et donc, même si j'ai des trous, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si j'ai un panorama à peu près représentatif de la biologie féministe. Et il se trouve que là, je commence à tomber vraiment très régulièrement sur des sources qui reviennent tout le temps. Donc, évidemment, il y a des choses qui ne reviennent pas, mais... et du coup, je pense que j'ai identifié ce qu'on pourrait appeler un réseau objectif de gens qui travaillent ensemble, qui se citent, qui se lisent et qui cherchent à travailler ensemble, tout simplement. Mmh. Et tu travailles avec eux, du coup? Tu es inséré dans ce réseau? Alors, c'est un réseau essentiellement anglo-saxon. Ouais. Du coup, c'est compliqué parce que, en fait, s'insérer avec eux, ça veut dire y aller, parce qu'en fait, tu peux toujours avoir des mails. D'ailleurs, j'ai envoyé des mails à des chercheurs et des chercheuses, enfin, surtout des chercheuses, aux États-Unis, mais il faudrait soit faire un séjour de recherche ou autre chose. Et moi, je m'inclus plutôt dans un réseau français ou francophone. Et là, pour le coup, je connais des gens et je discute avec des gens qui sont français ou francophones. Donc, c'est plutôt dans cette perspective-là que je m'inscris. Parce que le but aussi de ma thèse, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la conçois, c'est de faire passer un certain nombre de travaux en France qui n'existent pas ou de manière différente en France. Et la fin de la question, c'était la question sur la finalité que tu donnais à ton travail. Est-ce que tu peux développer un peu? Ouais, du coup, y en a deux. Premièrement, faire passer des choses. Donc, faire passer des choses, c'est un peu caricatural de dire comme ça, mais des États-Unis, non, pas forcément des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent aussi des Pays-Bas, notamment. Mais disons, d'un monde anglophone, en tout cas. Ce qui exclut quand même pas mal de monde, je tiens à le préciser, mais en tout cas, j'essaye de faire passer une certaine manière de faire de la biologie féministe en France, pour aussi faire découvrir, en France, les études de genre, elles sont beaucoup structurées par la sociologie et l'histoire, et ce qui est très bien, Mais du coup, on n'a pas forcément énormément d'armes en biologie, ou alors on a vraiment des grands poncifs comme ça qui sont cités tout le temps, genre Lacœur, bon Thomas Lacœur, la fabrique du sexe. Bon, Emily Martin que j'ai cité tout à l'heure, là, The Egg and the Sperm, c'est vraiment un truc classique qui est cité tout le temps. Mais bon, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres travaux en biologie féministe, et donc je pense que c'est important aussi d'avoir ces armes-là. Bon, il y a Odile Fio en France, en vrai, qui fait ça aussi. J'ai oublié Odile Fio. Mais bon, je pense que c'est important d'avoir des armes de ce point de vue-là, et donc ça, c'est mon premier objectif. Et puis mon deuxième objectif, je repense toujours à ma manif pour tous de 2014. Et je me dis, bon... Alors évidemment, j'ai pas trop d'espoir de les convaincre, au sens où ça se déroule pas, enfin c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas tu vas parler aux gens et puis ils changent d'avis. Mais par contre, ça m'intéresse de produire des arguments, des argumentations qui nous servent, enfin nous, disons les féministes, les pro-féministes, nous servent à être plus au clair sur les idées qu'on développe. En particulier, il y a certains articles, et en particulier les travaux de Prissy Touraille qui font cet effet-là. On peut contester et je le fais d'ailleurs, on peut contester les résultats, mais elle a une manière de travailler qui est extrêmement stimulante et qui pose les problèmes de manière efficace. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet deux choses. Ça permet d'une part de se décaler de l'imposition de questions qui nous sont imposées par des adversaires idéologiques, et du coup qui nous piègent. Et deuxièmement, ça permet pour nous d'être plus au clair sur ce qu'on fait et d'associer ensemble des choses qui auparavant nous paraissaient contradictoires. Par exemple, le sexe c'est une construction sociale, mais quand même il y a des pénis et des vagins. Ça a l'air d'être une grosse contradiction quand même. Et ben non, en fait pas forcément, si on comprend bien ce que c'est qu'une construction sociale, et si on comprend bien ce que ça veut dire des pénis et des vagins. Et en l'occurrence, ça veut rien dire, au sens où des pénis et des vagins, ça nous donne pas une organisation sociale. Donc en fait, ça a l'air révolutionnaire, mais néanmoins on m'opposait quand même toujours ce truc de il y a des pénis et des vagins. Oui d'accord, mais des pénis et des vagins, ça fait pas une organisation sociale. Donc, il y a des médiations entre le fait d'avoir des pénis et le fait d'avoir des vagins. Si, c'est important. Il y a des médiations qui nous conduisent, du fait d'avoir certains organes, à une certaine structuration de la société. Et on voit bien que partant d'organes génitaux, quand même, qui n'ont pas une utilité dans la vie de tous les jours absolument démentielle, on voit bien qu'il va falloir mettre en place un certain nombre de médiations et donc expliquer les structures sociales, et que donc tout ça ne peut pas juste ressortir du fait qu'on a des organes génitaux différents. Donc voilà. Question de clarification pour aller plus loin, pour mieux comprendre ce qu'on fait, et question de transmission. Et c'est, je pense aussi, c'est pour ça que j'aime bien faire de la vulgarisation, bon, évidemment là, et puis j'aime bien aller en lycée, j'aime bien intervenir devant des publics différents aussi pour essayer de faire un peu bouger les lignes, essayer de faire mieux comprendre certaines choses, de mieux faire passer. Et un de mes trucs favoris, c'est vraiment faire des cours ou reprendre à nouveau au frais des arguments qui sont, je trouve, qui peuvent être intéressants ou qui sont difficiles à appréhender et qui, en fait, sont très efficaces. Donc, en tant qu'universitaire, tu vas régulièrement parler avec un public qui n'est pas universitaire et ça ne te pose pas de difficultés particulières. Au contraire, ça t'aide, en fait, peut-être dans ta recherche ? Ouais, moi, je ne conçois pas de barrière à ça. Alors, évidemment, ce n'est pas les mêmes publics. En fait, ça change des choses. Mais le fait de changer de public, ça fait réfléchir autrement et ça va nous faire reconsidérer justement ce qui nous paraît évident. Parce que tout d'un coup, un truc qu'on a caché derrière un mot savant, ce qui n'est pas un mal, hein, en fait, cette technicité, elle a une fonction. Hein. Mais tout d'un coup, cette technicité nous paraît plus comme un écran, comme un tremplin, et du coup, on s'interroge sur cet écran et peut-être on l'a dit autrement. Et du coup, ouais, moi, j'aime beaucoup faire ça, notamment les cours, j'aime beaucoup faire ça, et en particulier les cours sur mon sujet de thèse que j'ai la chance de pouvoir faire, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, on le disait, il y a une partie importante de ton travail qui se confronte aux sciences dures, et notamment à la biologie, beaucoup à la biologie. C'est un terrain particulièrement difficile à pratiquer, il me semble, dans les études de genre. Alors déjà, il peut y avoir parfois une certaine réticence des études de genre à se saisir de la biologie. Mais en même temps, on sait qu'un des premiers champs de recherche du féminisme, ça a été de s'intéresser à la biologie, d'en faire une critique épistémologique, etc. Et puis du côté des biologistes, inversement, il y a peut-être, tu me diras si tu en as une certaine expérience, mais il y a des réactions qui sont assez ambivalentes. À la fois, il y a un rappel au féminisme, aux études de genre, de l'idée que il faut se soucier de la biologie. Enfin, rappelez-vous, on n'est pas que dans du discours, etc. Et puis, inversement, lorsque les biologistes viennent découvrir les travaux d'épistémologie féministe, bah là non plus ça va pas, puisque on a l'impression de toucher à quelque chose qu'il ne faudrait pas toucher, puisqu'il y aurait une séparation nette entre ce qui relève du social et ce qui relève du biologique, parce qu'ils reprennent à leur compte un peu cette distinction soudainement, quoi. Alors, du coup, comment est-ce que tu travailles par rapport à la biologie ? Est-ce que, selon toi, il y a des ouvertures qui sont possibles à un certain travail transdisciplinaire, possiblement ? Si c'est pas le cas ou si c'est trop peu le cas, est-ce que tu penses que à l'avenir c'est quelque chose qu'il faudrait développer, ou est-ce que la critique doit rester externe et rester un aiguillon et ne pas chercher à s'intégrer particulièrement? Dernier aspect, à ton avis, c'est peut-être un peu trop large, mais comment est-ce qu'on pourrait faire mieux communiquer les sciences dites dures avec les sciences humaines de manière générale? Alors, déjà, je pense qu'il faut faire attention quand on dit transdisciplinaire, à ne pas mettre d'un côté les études de genre qui seraient les sciences humaines et sociales, ou qui seraient représentantes des sciences humaines et sociales, et de l'autre côté, la biologie. Il y a tout un tas de féministes en biologie qui sont vraiment biologistes, ou qui ont fait œuvre de biologie, ou qui ont manipulé des données biologiques. Donc, en ce sens, elles interviennent dans le champ de la biologie elle-même. Par exemple, Rebecca Jordan-Young, quand elle écrit son livre, donc, qui en anglais s'appelle Brainstorm, mais en français s'appelle Hormones, Sexe au cerveau, qui a été traduit par Odile Fillot, et qui est vraiment un super livre, vraiment, allez le lire si ça vous intéresse. Elle reprend des données, des analyses, des méta-analyses, et elle va dans le détail des analyses pour montrer comment se glissent des approximations, des glissements, des facilités qui minent en réalité le champ de recherche qu'elle investit, qu'elle appelle la théorie de l'organisation du cerveau, et qui rendent caduques un certain nombre d'études, voire peut-être le champ complet, de la théorie de l'organisation du cerveau. Bon. Du coup, la transdisciplinarité, elle se fait plutôt entre, d'un côté, les grilles d'analyse, l'analyse critique développée par les études de genre, d'un côté, et les disciplines auxquelles elles ont à s'appliquer, auxquelles ces grilles d'analyse ont à s'appliquer. Mais du coup, ça n'empêche pas du tout les études de genre d'être en biologie ou d'être... et ainsi de suite. Alors évidemment, par exemple, Rebecca Jordan-Young, elle est sociologue des sciences, donc elle n'a pas exactement les compétences, même si elle les apprend, elle peut les apprendre dans une certaine mesure, elle n'a pas exactement les compétences d'un biologiste. Mais il existe... Alors déjà, il existe des féministes qui sont biologistes, par exemple Anne-Fausto Sterling, elle a une formation en biologie moléculaire au départ. Du coup, on peut pas présupposer que les études de genre seraient forcément du côté des sciences humaines et sociales. En fait, études de genre, ça veut simplement dire que le genre est un outil critique, mais cet outil critique, il peut s'impliquer n'importe où. Bon, après, évidemment, ça va demander justement de s'appliquer à différents domaines. Et donc, il va falloir mettre en jonction à la fois cet outil critique et les traditions ou les coutumes, les habitudes plutôt, les habitudes de recherche du sous-domaine, du domaine auquel ces habitudes critiques ont à s'appliquer. Voilà. Et c'est ça, à la limite, la transdisciplinarité ou l'interdisciplinarité. Et donc là, ça demande de faire pas mal de boulot. Ça demande en particulier d'écouter ce que les autres ont à dire. Alors sauf que, dit comme ça, ça a l'air... justement, ça devient quelque chose d'idéaliste. Et moi, j'ai dit que j'étais quand même influencé par le matérialisme. En fait, le dialogue, il ne repose pas sur la bonne volonté des individus. Alors évidemment, dans une certaine mesure, ça compte. Mais en définitive, pourquoi vous écoutez quelqu'un ? Parce qu'il a quelque chose à vous dire, mais aussi parce que ce quelque chose a un intérêt à être compris. Et ça, ça implique de travailler sur ce qui produit les hiérarchies dans la science. Pourquoi certains champs ont été modifiés par l'irruption de féministes? bon, on pense souvent à la primatologie, bah parce que ces féministes, elles ont pris la parole, mais elles ont su prendre la parole, non seulement elles ont parlé, mais elles se sont mises dans une position où leur voix ne pouvait pas être ignorée. Et c'est pour ça que je voulais pas rester à juste une étude des textes. Je veux toujours rapporter quand même ces textes à un contexte plus général, où les paroles peuvent avoir une chance de porter. Si on se met pas dans ces conditions-là, bah on se rend impuissant parce qu'on s'imagine que les discours, il suffit d'avoir de bons arguments pour l'emporter. Or, c'est pas vrai. Les études de genre, elles sont perçues comme des trucs militants, comme des trucs de sciences humaines et sociales. Et donc, eh bien, certains domaines de la biologie s'en fichent. Au sens où ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas, pourquoi ? Parce que c'est des trucs de sciences humaines, donc c'est pas des sciences. Et encore une fois, cette hiérarchie, elle vient pas de nulle part, cette hiérarchie, elle veut pas rien dire, et ainsi de suite. De la même manière, j'ai dit tout à l'heure que des féministes ont réussi à modifier le champ de la primatologie. Mais elles ont pu le faire parce que un certain nombre de femmes ont pu avoir des postes éminents. Mais donc ça veut dire que l'organisation générale de la science n'est pas anodine. Donc ça veut dire que ces combats, ils doivent être aussi portés plus généralement. Et c'est pas juste en faisant des politiques de représentation « Ah, regardez, vous aussi, les filles, vous pouvez faire de la science, etc. » D'accord, mais donnons-leur les moyens de faire de la science. Par exemple, pour faire le lien avec une actualité brûlante, la précarisation de la recherche, ça veut dire que ceux qui auront les moyens de faire de la science, c'est des gens qui auront un capital social, économique, etc., qui leur permet de résister aux années de précarité. Et bah, ça, c'est pas les femmes. En tout cas, c'est moins les femmes. Et s'il y a moins de femmes, peut-être qu'un certain nombre de points de vue seront moins représentés. Mais en plus, si vous faites de la science en la fondant sur le précariat, en la fondant sur des financements privés, je dis pas que le financement privé est nécessairement un mal, mais en tout cas, il a des effets. Et ces effets, c'est sur les orientations de recherche. Et ces orientations de recherche, eh bien, elles seront peut-être plus en faveur du pouvoir qui existe déjà, puisqu'il a déjà les moyens de production et ainsi de suite, et un peu moins en faveur de dominer. Mmh. Et donc, vous voyez bien que toutes ces questions de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, en tout cas dans le cas du féminisme, je crois, ne peut pas être détachée du reste. Pourquoi, en fait, on a besoin de travailler avec les autres ? Parce qu'il faut qu'on en sente un besoin, une urgence, et ainsi de suite. Et cette urgence, ce besoin, il a une histoire sociale et historiquement située. Voilà, donc c'est pour ça, c'est pour pas, parce que parfois on pose la question de la transdisciplinarité ou l'interdisciplinarité, etc. On la pose de manière un peu hors sol, en fait. Je pense que c'est important quand même de se rappeler pourquoi on en a, enfin, à quelles conditions quelqu'un veut bien travailler avec quelqu'un d'autre. Surtout dans un contexte où il y a une hiérarchie des disciplines, où il y a... une hiérarchie des positions sociales et ainsi de suite. Et surtout dans des contextes aussi brûlants que le genre, mais en fait on pourrait en citer d'autres, la race par exemple, où le genre est vraiment quelque chose d'extrêmement structurant dans une société et qui implique des positions de pouvoir extrêmement fortes et des inégalités extrêmement fortes. Du coup, pour un peu synthétiser ce que je voulais dire, c'est que bon, en fait, les gens travaillent déjà ensemble, dans une certaine mesure, il ne faut pas non plus... en fait, ça dépend de quel point de vue on se place. Déjà, les gens n'ont pas toujours besoin de travailler ensemble, faut quand même le rappeler. Genre, en fait, les sociologues, ils sociologues, les biologistes, ils biologistes. Parfois, c'est très bien. Simplement, parfois, il y a des points d'achoppement parce que l'objet est saisi par deux sciences en même temps, ou il a l'air d'être saisi par deux sciences en même temps, ou il a l'air de devoir être pris en compte par deux sciences en même temps, etc. etc. Et dans ces cas-là, y a déjà des gens qui travaillent ensemble, et parfois, par contre, il y a des gens qui ne travaillent pas ensemble, et où, à mon avis, ils mériteraient de travailler ensemble. Par exemple, dans un certain nombre de domaines ou de sous-domaines de la biologie, ça mériterait un petit peu d'études de genre. Et dans ces cas-là, eh bien, on revoit ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect politique de cette transdisciplinarité. Parce que ça peut être des domaines charnières ou des domaines qui fournissent énormément de résultats utilisables dans d'autres mondes sociaux et donc qui ont des effets très forts en termes de reprise ensuite dans d'autres mondes sociaux et d'effets sur le reste des mondes sociaux, à part la science, je veux dire. Est-ce que tu veux dire un mot sur l'organisation universitaire de manière générale autour de ces questions, autour des études de genre effectivement, et éventuellement des liens qu'il peut y avoir avec la biologie D'accord, en France du coup Vas-y, ouais, en France. Okay. Les études de genre sont globalement minoritaires au sens où, bon, ne serait-ce qu'en en termes, parce que parfois on dit oui, la sociologie, un truc de gauchiste, etc. Mais en fait, la sociologie, elle fait plein de trucs, et en particulier, elle fait pas que des études de genre. Je sais pas si c'est bien ou pas, peu importe. Enfin, j'ai pas d'avis, je suis pas sociologue, donc j'ai pas d'avis. Mais en tout cas, les études de genre se regroupent en France beaucoup en sociologie et en histoire, où elles restent minoritaires, mais très largement minoritaires. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un champ très important, et sans doute tant mieux, mais c'est important relativement à d'autres champs. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas qu'elles sont diverses. Parce qu'on dit les études de genre comme s'il y avait une unité conceptuelle et tout, c'est pas le cas du tout. Donc déjà. Alors ensuite, et d'ailleurs, elles restent, à mon avis, dominées. Moi, j'ai déjà entendu des sociologues dire des choses sur le genre qui sont quand même un peu ahurissantes. Enfin, je veux dire, ça reste des zones qui sont dominées au sein de la sociologie. Je suis pas sûr que ce soit, si vous voulez faire carrière en sociologie, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées de se lancer en genre. Alors, c'est une meilleure idée qu'il y a quelques années, mais n'empêche, ça vous garantit pas un poste. Bon, en même temps, qu'est-ce qui vous garantit un poste? C'est une question. Mais... Bon, donc ça, c'est au sein de la sociologie et de l'histoire. Bon, très bien. Ensuite, moi, je suis en philo, donc je vais parler de philo. En philo, il n'y a presque pas en France de philosophie féministe, donc on est plutôt dominé, enfin, au sein de la philosophie féministe, on est plutôt dominé, même s'il y a quelques postes qui se sont ouverts, enfin, il y a quelques personnes qui ont été élues récemment qui ont pour intérêt principal ou secondaire la philosophie du genre ou la philosophie féministe, ça reste très minoritaire dans la philosophie française. Tu penses à qui ? Bah, je pense à des gens comme Vanina Mosiconacci, je pense qui a été élue il y a un an et demi, à peu près. Vanina Mosiconacci, donc, et puis je pense à Pauline Clochet, qui travaille dans l'étude trans, qui a des intérêts de ce côté-là, en tout cas, et ainsi de suite. Quoi. Mais par exemple, Pauline Clochet, elle n'a pas été recrutée pour ça. Elle n'a pas été recrutée parce qu'elle travaille en études, elle a été recrutée parce que c'est une spécialiste extrêmement pointue de Marx et Hegel. Quoi. Ce qui ne l'empêche pas que, du coup, maintenant qu'elle est en poste, elle peut plus facilement faire des études trans. Mais bon, vous voyez, déjà, c'est... Bon. Voilà, bon, on pourra en citer quelques autres, mais globalement, la masse des gens recrutés, enfin la masse, encore une fois, petite masse de gens recrutés, parce que je rappelle que l'université est en tension, parce qu'il faudrait embaucher des titulaires. Mais la petite masse de gens recrutés ne sont pas recrutés en philosophie féministe. Voilà. Maintenant, en biologie, il y a très peu de gens qui travaillent en biologie féministe, à ma connaissance, en France. Mais bon, je pense que je connais un peu le paysage français quand même, de ce point de vue-là. Odile Fillot est une figure assez majeure, enfin majeure en tout cas, je trouve qu'elle fait un travail assez incroyable, et puis elle a pris en charge des sujets qui sont vraiment importants. Bon, on la connaît pour sa modélisation en 3D du clitoris, mais elle a fait un travail de critique, d'études reprises dans le grand public, mais qui sont des études scientifiques au départ, très très minutieux, et qui aide aussi à prendre confiance en disant bon bah oui en fait d'accord, la biologie dit ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Pas encore une fois pour tout jeter à la poubelle, mais pour dire attends, quand votre sixième sens féministe par exemple dit c'est bizarre cette affirmation, peut-être dites-vous bah ouais, allons voir l'étude, allons voir qu'est-ce qu'elle dit vraiment, parce qu'en fait il n'y a pas lieu d'être impressionné par la science. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une... Ça rejoint la question de tout à l'heure, il y a une dimension démocratique dans le travail que j'essaye de faire avec la science. Je pense qu'elle doit avoir cette dimension-là, parce que précisément, cette organisation démocratique, cette ouverture, elle a forcément des effets sur le type de science qui est fait. Et ça, c'est à mon avis, hyper important. Voilà, donc, si je fais le panorama, les études de genre. Champ important en sociologie et en histoire, mais néanmoins, à mon avis, minoritaire, au sens où ils sont dominés. Ils restent minoritaires, et l'étude de genre n'existe pas beaucoup en philo, et encore moins dès lors qu'on s'éloigne de tous ces champs-là. Donc il y en a en anthropo, hein, évidemment, mais voilà. Et en biologie, à ma connaissance, il n'y a pas énormément de monde qui travaille. Il y a des philo, il y en a d'autres hein. Ouais. Alors Thierry Hoquet n'est pas biologiste, donc déjà ça ne marche pas. Priscitura est anthropologue, mais pour le coup, elle est anthropologue. Non, en France, c'est pas évident de trouver. Alors après, il y a des biologistes qui ont des sympathies féministes ou qui vont développer des discours. Bah si, il y a par exemple Catherine Vidal. Mais il n'y a pas énormément de gens qui... En tout cas, mais c'est aussi de la manière dont c'est constitué en France, mais se dire biologiste féministe, je pense que ça n'a pas trop de sens en France. Et ça veut dire qu'il y a d'autres pays où le champ de recherche est différent, par exemple ? Eh ben, par exemple, aux États-Unis, vous pouvez être biologiste féministe. Ça a un sens de dire ça, en fait. Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez être biologiste et féministe en France, mais vous ne pouvez pas coller les deux. Voilà. Aux États-Unis, si, Alphonse Sterling, que j'ai déjà cité, Julia Monk, qui a co-écrit un super article sur les comportements de même sexe, se dit biologie féministe. J'ai vu qu'il y avait un poste de postdoc, je crois, en biologie féministe. Donc, c'est des postes vraiment en biologie féministe. Il n'y a pas de. En même temps, si on comprend ce que j'ai dit avant et si on est d'accord avec ça, il n'y a pas de contradiction, en fait, entre les deux. En France, il y a cette séparation encore nette, quoi. Donc, du coup, en France, déjà, on dit plus études de genre. Et par ailleurs, je pense que ça a des effets sur le type de sujet et le type de manière qu'on a d'aborder les sujets. Mais bon. Parce qu'aux États-Unis, on aurait plutôt tendance à dire études féministes. Bonne question. Je sais pas. Mais en tout cas, on dit biologie féministe. Enfin, genre, ça pose aucun problème.